Bernard Marty, l'encan nous d'ostem s'esclaire. L'encan nous d'ostem s'esclaire, et la nouvelle flour s'espanne, et aus als ausels retraire per los blundels le douce tchan, qui vol aver prez ni valour, a donc, deu triar et chausir tal que per l'ausergiers nous baisse. Qui eu n'ai pres al mieu vegiare, que du rientro al calcugiant, car nous cuc nasques de maire del seu faci del seu semblant. Bella es et a grand douceur, et volia trop mai murir. Quand de Madonna su l'aire, j'es num ten per malvat sa fan, quand su nuts en su repaire, et sus custats ten que masan, ya nu sai nu l'emperador, vas me puesca grand presculir, ne de fin amour aver mais. A quis d'aver amassare mal parlier lenga trenchan qui me cudjavon d'amour traire. Ma si Dieus vol far mon cuman, ja us nun er al lavadur, tsel causiz a marca brudir, qu'en infern suffriran grand fais. Que fur abe fis a maire, si nu foson janglus truan. Mas Madonna nun sap gaire de cambiar per nul aman, e vol mi fort donar s'amour, et del mals en veggiu souffrir la guerra qu'il n'a el pantais. Tres jours som es vis pecaire, gest no m'ha durat aquest an. En bosc ermita em vol faire, per se que Madonna mes nan. L'ai de fuei l'aurem cobertur, a qui vol viure e murir, tout autre far qu'erpis. Elais, las un es res dumne jaire, qui ja nul mes met en suan, car genars nu val mens gaire, cabrils e mais, que es verse blan. Quen tus terminis val amur, e can sempren a ten requir, deu am esser e prus e gais.